pas, mon joujou parle. J'extends, là j'ai la patate. Soulager l'ingé avec un bon truc, ça tu peux pas le faire. On est refait direct, nique une prophétie, nique une rime au fessier. Une voix dans le bas, t'es gère. Vite ton sac, sort, tu piques dans les loges. Et ton petit nous éloge, et je suis logé dans les pops. Oh, on kill ça, clair. Wesh, j'ai pas le temps. Saturn Citizen, c'est tout ce que tu perds. Tu veux nos prestations? Là on encaisse la semaine, empêche t'as le seum. J'suis dans le Revenge Hotel, j'prends photo de son boule en 4K. Yeah. J'ouvre une bouteille, à la fin toi t'es à 4 pâtés, y'a de la poussière. Hein. La Catwoman dans le 4-4, yeah. Poussy, wow, Pucci looks, Pucci, j'roule un missile, yeah. Les négros sont jaloux, sont grotesques, ils veulent me voler mon totem. Pas de place dans mon cœur pour une obèse, merci pour ma kékette, Selena Gomez. Dévalisera jamais Colette, bébé. Bonnie une 4 plus le collège, fuck school. Les plus jolies salopes de lesbiennes de Moscou. Wow, à la petite, t'aimes bien Lyonzon. À la petite, t'aimes bien Boucher. À la petite, t'aimes bien le son. À la petite, t'aimerais mourir. Ah, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, eh, Quand tu me la bouffes verte comme un vocal, là je suis dans la chop, seul comme un shot en plus. Je fais pas gaffe à ton image, encore moins sur tes sons. Oui, c'est facultatif. J'ai sur personne, tous ces boys font genre d'avoir la gâchette facile. Je passe pas un pied dans un Primark et je porte pas un rival. La tête au roi coupée comme la machin. Tiens, fuck un infidèle sarrasin. La chatte pète en fleurs comme un vagin. Tiens, tous ces boys swag sont des radins. Je m'en bats les couilles si t'es pas content. Là je suis dans la chop et je sais pas si tout le monde s'aime bien. Tire sur personne, personne tire sur personne. Tire sur personne, personne tire sur personne. Tire sur personne, personne tire sur personne. Tire sur personne, yo, personne tire sur personne. La des crasses, hier j'fumais le crack. J'm'ai perdu ce matin, quand j'passe à l'aspirateur. Pour de vrai j'ai un peu la mort. C'était vraiment du seum, avec qualité de caca. Sur lui on sent sûrement le seul. Du coup j'active un plug. Pas terre, j'préfère buzz. Toi t'es qu'un suceur, je sais que tu préfères que. Quand ça sent la fame, t'aimes bien quand ça brille. Dans l'amour ou tchè tchè, c'est toi qui appelle la nuit sans fleurs. Qui va me convoquer dans le cœur. Et sur la flèche, pas grand chose me fait peur. J'ai toute ma confiance dans ma paire. Faudra un DM, me demande une collab. Et j'en ai rien à foutre, j'fais ça qu'avec mes collègues.